chapitre 5e, dans lequel Sans Patience joue au Terre-Neuve. De quelle humeur était Sans Patience quand il eut réintégré sa chambre, nous le laissons à penser. D'autant plus qu'il se permit de jeter un coup d'œil sur un rouleau de papier qu'Antoine Dubois avait déposé sur la table en arrivant, et qu'il l'avait également oublié dans le désarroi de sa fuite. Ces papiers consistaient en différentes épures que Sans Patience examina en connaisseur, car nous l'avons dit, si, par parti pris, il n'avait jusqu'ici consenti à utiliser aucun moyen de locomotion moderne, il n'en avait pas moins étudié le fonctionnement avec un instinct très sûr. L'examen qu'il fit des épures d'Antoine Dubois le convainquit tout de suite qu'il avait eu affaire à un inventeur sérieux. La nouvelle forme du monoplan surtout, très hardi et très rationnel à la fois, lui fit concevoir une véritable admiration pour son créateur. Si quelqu'un pouvait lui fournir un oiseau mécanique capable d'effectuer un trajet de 1500 lieues, ce devait être l'ingénieur. Mais où le retrouver? Sans Patience ne savait que son nom. Il ne possédait pas son adresse. Chercher un homme à Paris avec son nom pour tout renseignement, c'est vouloir retrouver une aiguille dans un grenier à foin. Aussi, quand vers 6 heures, un garçon vint demander à notre héros si monsieur dînait à l'hôtel, fut-il reçu par un « allez au diable » furibond qui le fit rétrograder avec rapidité. De rage, Sans Patience finit par se jeter tout habillé sur son lit. Puis, au bout d'une heure, il se leva, mit son pardessus et son chapeau et sortit pour calmer ses nerfs par une petite promenade dans Paris. Il descendit l'avenue de la Bourdonnais et se mit à suivre la Seine le long du quai d'Orsay. Comme, avant de traverser le fleuve, il s'était accoudé un instant sur le parapet du pont de l'Alma, il eut comme la vision rapide d'une ombre traversant l'espace non loin de lui, vision bientôt suivie du bruit caractéristique d'un corps qui plonge dans l'eau avec violence. Sans Patience, jugea immédiatement qu'un bain froid serait excellent pour combattre son énervement. Se dépouillant en hâte de son pardessus et de son veston, il plongea à son tour du haut du parapet, sans s'inquiéter des cris que poussaient autour de lui les badauds vite assemblés. La nuit d'octobre était assez noire, mais les lumières du pont et des quais répandaient sur le fleuve une clarté suffisante. Sans Patience plongea 2 fois en vain. Mais la 3e fois, il fut assez heureux pour ramener le noyé hors de l'eau. Tous deux furent bientôt recueillis par une barque montée par 2 agents. Le noyé d'ailleurs, ou plutôt le faux noyé, n'avait pas eu le temps de perdre connaissance et quand, en abordant sur le quai, tous deux se regardèrent à la clarté des becs de gaz, il y eut 2 cris de surprise pareils. Le désespéré que Sans Patience venait de retirer de l'eau n'était autre, en effet, qu'Antoine Dubois. Celui-ci balbutia quelques phrases confuses, mais son sauveteur l'interrompit avec autorité. « Je ne veux rien entendre, mon cher ami, » il disait, « mon cher ami, et ne me remerciez pas. C'est peut-être à cause de la brute que je suis que vous avez fait ce plongeon. D'ailleurs, le moment ne se prête pas à une explication. Vous êtes ruisselant et moi aussi. Inutile de risquer une fluxion de poitrine. Allons d'abord nous sécher. » Et sous les yeux ahuris des badauds, Sans Patience et là un fiacre qui passait, il fit monter son noyer et s'y engouffra à son tour, après avoir jeté au cocher l'adresse de son hôtel. 1 quart d'heure plus tard, ils étaient dans la chambre de Sans Patience, et grâce à la malle de notre héros, tous deux chaudement pourvus de linge sec et de vêtements idem. Quant à leurs effets mouillés, ils séchaient déjà devant le radiateur. « À présent, dit Sans Patience, causons. Tout d'abord, vous allez dîner avec moi. C'est que, on n'est pas averti chez vous peut-être. Rien de plus simple, je vais faire prévenir. Votre adresse, rue de Grenelle, 46. » L'ingénieur rédigea en hâte un court billet qu'un chasseur de l'hôtel reçut mission d'aller porter à son adresse, pendant que le garçon, appelé en même temps, s'occupait de monter dans la chambre un confortable repas pour 2.